الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أيها المسلمون راقبوا الله تعالى في أحوالكم كلها. إن هذه الآية أصل كبير من أصول تربية الأولاد في الإسلام. أوفو مسلمون surveillez tout ce que vous faites car Allah subhanahu wa ta'ala vous voit dans toute situation. Car ce verset là qu'on a cité, le verset et les paroles et les conseils que donnait Luqman à son fils sont une base, une grande base dans l'éducation de l'islam, dans l'éducation des enfants dans l'islam. Innaha turabbihim ala muraqabati Allah azza wa jal raqib rabbaka fil layli wan nahar. Elle éduque les enfants à connaître et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à surveiller de cette surveillance constante à chaque moment, la nuit et le jour. Rabbi waladaka ala zalik li'anna al-kathira min al-aba'i wal-ummahat ma fahimu zalik. C'est pour ça que tu dois éduquer ton enfant dans cette crainte-là, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tukhawif waladaka bil-jinni wa bil-shayatin wa bil-muallima wa bil-shurti lakin khawifu min Allah jalla wa ala. لأن هؤلاء يحضرون ويغيبون ينامون ويصحون أما ربنا جل وعلا فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه يعلم السر وأخفى. C'est pour ça qu'on doit éduquer nos enfants. Ton enfant, tu ne dois pas lui apprendre à avoir peur des djinns, voilà, des démons, ou sinon de son professeur. Tu lui dis, si tu fais ceci à ton professeur, je vais lui dire. Ou sinon, si tu fais ceci à la police. Non, tu dois lui implanter dans le cœur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces gens-là, ils dorment et ils se réveillent. Ils sont là des fois et ils ne sont pas là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est là avec ton enfant, il est là avec toi. À n'importe quel moment, il sait tout ce que tu fais. C'est pour ça que tu dois implanter dans le cœur de ton enfant cette surveillance. Comment doit-il réagir? Tout ce qu'il fait, il le fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala le voit. وحين ذلك إذا غرست هذا في قلب ابنك أو بنتك فإنه يكون عمله خالصا. Et si tu implantes ça dans le cœur de ton enfant, que ce soit un garçon ou une fille, tout ce qu'il fera, il le fera bien sûr par sincérité. Il le fera par sincérité. فهناك كثير من أولاد المسلمين لا يعبدون الله خوفا وطمعا وإنما يعبدون الله خشية من آبائهم وأمهاتهم. Et c'est pour ça malheureusement beaucoup d'enfants musulmans ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils le craignent, parce qu'ils ont peur de leur père et de leur mère. فترى الولد إذا حضر أباه يصلي وإذا غاب أباه ترك الصلاة. Et tu vois des enfants quand leurs parents sont là ils prient, mais une fois que les parents ne sont pas là ils laissent la prière. ترى البنت تتحجب وإذا خرجت من البيت رمت حجابها وهذا لماذا المشكلة في الوالدين. هناك جانب مشكلة في الوالدين وفي الأولاد أيضا لأنهم ما غرسوا في أنفسهم هذه المراقبة وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى أدخلوا في قلوبهم خوف البشر. Et c'est pour ça même la fille, le père ou la mère lui dit porte le hijab. Elle le porte devant lui, mais une fois qu'elle s'endort, elle jette son hijab. Pourquoi? Parce que les parents ne leur ont pas appris comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur ont appris comment craindre les créatures. ولهذا أيها الإخوة وأيها المسلمون راقبوا الله تعالى في أحوالكم كلها ولا تكونوا أولياء لله في العلانية أعداء له في السر. Et c'est pour ça on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'on fait faut qu'on le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on soit des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre apparence et dans notre intérêt on est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا إذا أسدل الليل ظلامه وانغلقت العيون وانطبقت الجفون ينقسم العباد وينقسم الناس إلى فريقين. Et c'est pour ça que quand la nuit elle tombe et quand les paupières elles se couchent et quand les yeux dorment et se referment, les gens se dispersent en deux catégories. فريقٌ في الصلوات والقربات يخشون الله سبحانه وتعالى. Il y a une catégorie qui sont dans la prière et qui sont dans l'adoration pendant la nuit et ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. وهناك فريق إذا أسدل الليل وإذا أسدل كلامه أغلقوا النوافذ والأبواب وجلسوا لينظروا ولينظروا في الأفلام وهذه القنوات الخبيثة. Et il y a une catégorie de personnes, quand la nuit tombe, ils ferment les portes et les fenêtres et ils se posent devant des chaînes télévisées et ils regardent des choses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa hadha nida ilayka ya man dhahabta litaqtani'a shariitan jinsiyya lita'ti bihi fil bayt litushahidahu ma man ahbabt. Et cet appel est pour toi, ô celui qui a pris une cassette érotique et est parti pour la regarder chez lui avec qui que ce soit. اتق الله واعلم وسل نفسك اين الله قال الله دمتو اوتي الله سبحانه وتعالى pendant que tu fais ces choses là. ويا من ويا من استمع بتلك الفتاه في الغرفه ليزني بها سل نفسك اين الله اين الله. Et au celui qui s'est réuni avec cette fille dans cette chambre là pour passer à l'acte interdit, pose-toi la question, il est où Allah pendant que tu veux faire cette chose là. ويا من يشرب الخمر والمخدرات ويا من يسافر الى البلدان الاسويه في العطله الصيفيه ليذبح دينه وليحرق دينه سل نفسك اين الله. Et au celui qui voyage dans les pays asiatiques pour aller vendre sa religion et pour aller égorger sa religion, quand tu es là-bas, demande-toi où est Allah, demande-toi où est Allah avant de faire tout ce que tu fais. اجعلت الله اهون الناظرين اليك. As-tu considéré Allah subhanahu wa ta'ala pour la plus petite chose qui te voit? Yastarfuna min al-nas wa la yastarfuna min Allah. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils craignent les gens et ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha warada hadith sahih rawahu Ibn Majah wa sahhahahu Shaykhuna al-Albani rahimahullah min hadith Thawban. Wa hadha al-hadith isma'uhu jayyida irfa'u ru'usakum وافتحوا اذانكم انه حديث خطير جدا. Et ce hadith là que je vais vous citer, c'est un hadith très dangereux. Levez la tête et ouvrez vos oreilles et écoutez très bien. عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يوم القيامه لهم حسنات بيض كامثال جبال تهامه فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et écoutez ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il y a des gens de sa communauté qui vont venir le jour du jugement avec des bonnes œuvres comme des montagnes. Elles vont être éclairées, ces bonnes œuvres. Eux vont voir ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont en faire de la poussière éparpillée. فَقَالَ الصَّحَابَ فَقَالَ صَفْوَانَ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ. Et ce compagnon-là, il a dit au prophète d'Allah, mais cite-nous-les, décris-nous ces personnes-là pour qu'on ne soit pas comme ces gens-là. Venir avec des hasanettes, et Allah subhanahu wa ta'ala fait de ces hasanettes-là de la poussière et papier, il n'y a pas plus grande pierre. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est des gens qui sont comme vous et qui prient même la nuit comme vous, vous priez. C'est des gens, il faut la prière obligatoire, il faut même des prières surérogatoires. Mais c'est des gens, quand ils se trouvent tout seuls, quand ils se trouvent tout seuls face au péché, là, ils enfreignent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant les gens, c'est des anges, mais quand ils sont tout seuls, a'udhu billah, les péchés pour eux, c'est halal. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. Et c'est pour ça l'imam Ahmad dit, quand tu te trouves tout seul un jour dans le temps, ne te dis pas je suis tout seul, je peux faire n'importe quel péché, je peux faire ce que je veux, mais dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te surveille, il est là, il te voit, il te surveille. Ne crois pas que les jours ils passent ainsi et que tout ce que tu caches, Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas. وَإِذَا مَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاحْفَظْهَا مِنْ نَظَرِ إِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا يَا نَفْسُ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظُّلَامَ يَرَانِي. Et quand tu es tout seul face à ce péché-là, à n'importe quel péché, ne te dis pas je vais le faire, mais dis-toi que celui qui a créé l'obscurité, il te voit, il voit la fourmi noire qui est sous la pierre dans une nuit noire. Comment toi, être humain, qui est aussi grand, Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourrais-tu pas te voir ? Il faut qu'on fasse très attention de ne pas enfreindre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, de ne pas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. On est là, on est des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens nous voient, ils croient qu'on est des bonnes personnes, mais une fois qu'on est tout seul, on devient des shaitans. Qu'Allah nous en préserve. ولهذا أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح بنات المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا أحينا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين